Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le live de Ilargi dans cette émission Badoum 03 dans laquelle on compose tous les lundis, tous les mercredis, même quand c'est férié, à 10h donc lundi et mercredi, un morceau en 3 petites heures. C'est pas beaucoup, 3 petites heures, et puis histoire que ce soit encore un peu plus compliqué, on se rajoute des petites contraintes que vous voyez là à l'écran, contraintes d'accord, contraintes techniques, contraintes de contexte qu'on tire au sort parmi une petite sélection, une petite présélection qu'on a fait moi-même et les copains et les copines. Et voilà, rien de plus, rien de moins, c'est pas mal déjà. Et comme ça, on voit ensemble comment qu'on compose des trucs, quoi. Et puis, si vous êtes sur le chat en live sur Twitch, là, Ilargi avec un H, ben vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas à donner votre avis, donner des conseils, donner des préférences. Ouais, non, moi j'aurais plutôt fait comme ça, moi. Ouais, tu veux pas rajouter une flûte à ce moment-là? Ah, allez, pourquoi pas. Et puis, on tente des trucs. Généralement, on prend le temps quand même de tester quelques trucs. Dans le morceau, et puis voilà, ça on construit, on compose même ce petit morceau ensemble, quoi. Et puis après, c'est dispo sur toutes les plateformes de YouTube dès l'après-midi. Je crois que j'ai calculé une heure ou une heure et demie après que je l'ai mise en ligne sur YouTube. Ça arrive très très vite, et voilà. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite en faisant le tirage au sort. Voilà. Petit effet spécial de qualité. Ah, voilà, j'ai mon truc là. Alors, on va commencer évidemment par les accords. Donc, accord imposé, suite d'accords imposés. Dans l'ordre et tout ça. Hein. Et vous entendez derrière le tout premier rap que j'ai composé ici même en live. Ré, la dièse, sol, sol. Ça, c'est des accords de moi, apparemment. Ré, la dièse, sol, sol. Tiens, ça me dit rien. Et je crois que la dernière fois, j'ai déjà dit, tiens, ça me dit rien. Et j'ai retrouvé après ce que c'était. Alors, vous entendez le petit Billy, normalement. Voilà. Qui est mon gros ukulélé. C'est pas un gros ukulélé, c'est une cigar box accordée comme un gros ukulélé. Avec deux octaves de moins. Salut Daisuke, comment tu vas? Avec deux octaves de moins ici, que l'ukulélé, et trois octaves de moins là, pour le sol, parce que dans l'ukulélé, le sol, l'accord du haut est plus aigu que ce que la suivante. Et donc là, j'ai voulu avoir un truc un peu plus guitare, un peu plus grave vers le haut. Voilà. Eh ben, ça va bien, moi aussi, merci, merci, merci. Ce lundi de Pâques, peut-être qu'on aura un peu de monde, on va voir. Les accords ré, la dièse. Sol. Ah oui, j'aime bien ça. Ça fait très jazz monde ça aussi du coup, hein. Ici là, ça fait. Écoutez la corde aiguë. Si on fait plus lent, ça donne quoi? Ça fait très super héroïque tout ça, quoi. Très, très entraînant. Donc tout est en majeur. Je vais vous le noter. Hop, je remets un peu de musique. Tout est en majeur. Je vais le noter là, histoire que vous puissiez le voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Ré. On a dit la dièse et sol. Sol. Ré, la dièse, sol, sol. Voilà, un truc qui peut faire James Bond, un truc qui peut faire super héros. C'est un truc assez balèze, quoi. Ensuite, technique. En technique, il reste plus grand chose. Il va falloir recharger aussi. Je vais changer cette chanson parce qu'il s'avère que je suis faux dessus. Je pense que c'est la compression qui fait un peu ça. Et quand on l'a composé, ça allait encore. Et une fois que je l'ai réécouté sur YouTube, tout ça, ça allait plus du tout. Ils volent des slips pour les mettre sur la tête. rythmique irrégulière, 7-8 ou 4-5, ou 5-4 par exemple. La dernière fois on l'avait fait, mais on l'avait fait sur le temps long, c'est-à-dire qu'on faisait, c'était sur le, comment dire, sur les phrases quoi, il y avait 7 ou 8 phrases ou 9 phrases au lieu de truc carré quoi. Et cette fois-ci je pense qu'on va essayer de le faire un peu plus sur le temps quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, tout comme ça quoi. Rythmique irrégulière. Alors, faut que je mette des accents évidemment. Irrégulière. Je suis très mauvais à l'accent, voilà. Et en plus, il y a un accent sur le premier et irrégulière. Rythmique irrégulière. Ok. Ah, c'est bon. Et le contexte, donc, qui va être un peu le style. Il en reste quelques-unes. 3, 4, 5, 6 peut-être, je ne sais pas. On l'a toujours pas fait. On n'a pas fait encore le tour. On va voir ce que ça va donner. J'aime bien ce morceau. En vrai. Premier degré. Premier degré. Les années 90 sont de retour. Bonjour, Quen. Les années 90 sont de retour, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à de la... comment on appelle ça? De l'Eurodance. Vous savez, Cascada ou quoi que ce soit, c'était plus un peu plus tard, mais... j'ai plus le nom. J'ai des roues de Sandstorm, mais c'est pas ça que j'avais en tête. Foot from Desire, voilà. Moi, j'avais ça en tête. J'avais ça en tête, ça va être un peu chaud avec la rythmique régulière parce que c'est pas un style qui se prête vraiment à ça. Et on a. Ah, je vais noter ça aussi. Les années 90 sont de retour. Peut-être que ça vous pensez à autre chose, vous. Hein. Les années 90. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on va refaire ça, pardon. Hop. Les années 90. Hop. Sont de retour. Gala, voilà, Gala, c'est ça. Ça me faisait penser à Gala, moi. Mais si ça vous pense à autre chose, faut pas hésiter. Voilà, là, je suis pas mal, là. Donc, on a 3 heures pour composer. Pour composer un morceau avec tout ça, je vous rappelle les accords, peut-être qu'on peut le faire au synthé, si je savais le faire. Alors, Ré, la la, Ré c'est un Do, D pardon, 1, 2, 3, hop, donc ça donne ça, évidemment. Comme ça. Attendez que je le fasse bien quoi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est ça plutôt, oui. Plutôt, oui. 1, 2, 3. J'arrive pas à trouver. Merci pour ça. Et quand tu dis 8-6-8, 8-6-8. 8-6-8 peut-être. La haine qui cherche la haine, peut-être, c'est ça que tu veux dire? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bonjour! Sick. Ouais, mais du coup, tu le dis en anglais le 8? Ou 8, sick 8? 8, sick 8? Le 88, c'est parce que je viens des Vosges. D'accord, c'est 88 les Vosges. On parle du 88 avec des copains la dernière fois qui n'avaient pas la même signification quand tu mets d'autres mots devant. Donc, on est sur quoi? On est sur. Donc, Ré, on a dit. La dièse. Sol. Et rythmique régulière, les années 90 sont de retour. Ok, donc... Bon, on va commencer. Allez, on a 3 heures pour composer un truc comme ça. Est-ce que vous avez des idées? Pour le coup, les accords avec ce genre de... Avec ce genre de truc, ça peut très très bien marcher. avec ce thème. Sur quoi est-ce qu'on peut partir? Ça me fait penser aussi à Gwen, tu vas connaître. You and me, baby, and nothing you can do. Comment s'appelait ce truc-là? Gwen, tu vas l'avoir, toi. Hop, Drums, on va se faire un petit. C'est la 707 qui fait train 90. Pense que c'est pas mal ça. Pour faire une batterie. Comment s'appelait ce truc là? You and me, baby, and nothing you can or something else to do it like they do in the Discovery Channel. Alors déjà, on va se faire une petite rythmique. Donc, je vais vous mettre. Ableton, en grand écran. Je vois la chanson, j'ai plus le titre. Bloodhound Gang, non, c'est pas ça? Bloodhound Gang? J'ai plus le nom. On va partir sur du 132 pour voir. Voilà. Peut-être un peu rapide, 130. 4, c'est pas mal. Allez, on va partir sur un truc à peu près comme ça. On va se faire la batterie d'abord, parce que comme ça va nous donner, ça va nous donner une petite idée de où on part. On va se faire un truc très, très années 90. Et sachant que derrière, il va falloir trouver une rythmique irrégulière. Donc, on va faire une batterie un peu classique, un peu normale pour commencer. Et ensuite, on va là. Peut-être celui-là plus. Poum, ka, poum. Voilà, ça c'est déjà très très moche, je crois. Qu'est-ce qu'on a comme. J'aurais un high-tech. On va faire un truc un peu moche comme ça. Voilà, ça c'est bien moche, c'est bien laid comme on aime. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. The Bad Touch de Bloodhound Gang, c'est bien ça, oui. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on avait rajouté un temps, je crois. On a fait quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Ce qu'on peut faire ici, c'est on va essayer de faire quelque chose d'un peu moins. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et ce qui veut dire. Hop, on va virer tout ça, on va se faire un truc. Je sais pas, peut-être comme ça, peut-être tout simplement. On va avoir une rythmique à la con et je vous préviens tout de suite. D'ailleurs, est-ce que si je fais ça, ça change quelque chose? Non, pas vraiment. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai pas l'habitude d'avoir le kick plus haut que le. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais c'est la contrainte. Et ici, peut-être qu'on peut faire un petit. Hop, histoire 2. Non, je préfère avant, plus simple. Ok, on va faire un petit synthé. Qui va être un peu chelou, effectivement. Alors, synthé, vous rappelez comment qu'on fait un accord majeur? Est-ce que vous vous rappelez? C'est très facile. On prend donc notre Ré, puisque on a dit que c'était un Ré. On fait plus 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3 pour arriver à plus 7. Et c'est tout, on a un accord majeur. Et on va le faire bien long. Je pense, hop, comme ça. Et toi, tu vas aller jusque là, je crois. On a dit quoi? Ré, la dièse. La dièse, on va le mettre ici, voilà. Et ensuite, sol. D'accord, c'est pour ça que je voulais faire. C'est pas grave. Dégage. Et sol, j'ai ici, voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça pour la base. C'est sûr. Ouais. Faut trouver un truc peut-être ici en fait. Une crash directement. On partir surtout un peu concept, je pense. Hein. Et celui-là, je vais le. On va le doubler. Et comme ça, c'est pas la crash qui va jouer non-stop. Hide. Mais du coup. Du coup, il est où, hein. Ouais, c'est ça. Comme le synthé a une attaque assez lente, du coup ça fait que mais ça fait qu'on a l'impression que le synthé est en retard, alors que hop, on va dire ça, je joue même piano, ça va peut-être être plus clair pour vous. Simpler piano, le grand piano. Normalement ça va assez vite. Allez mon petit ordi. C'est trop lent les accords. Peut-être que les accords sont trop lents, peut-être que je devrais les. Hop, non, on peut faire. Non, c'est l'inverse. Hop. Peut-être mieux comme ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Un peu plus. On peut essayer de mettre les deux en même temps. Hop. Je vais essayer de lui mettre peut-être une EQ. Est-ce qu'il n'y a pas eu de mettre une espèce d'EQ en années 90? Je suis sûr qu'il y a des trucs déjà fait un peu. Genre voilà, EQ, drum. Rectum. Non, on s'en fout. Peut-être ici. Peut-être ici. Non, il n'y a rien de. Hop. Ah, ah. Il y a le petit chien qui s'énerve. Vous entendez le petit chien qui s'énerve? C'est pas grave, il est gentil ce petit chien. C'est très bizarre là, le truc très années 90, c'est très c'était fait à l'ordi, c'était le début de l'ordi et tout, les mecs s'amusaient pas encore trop à faire son truc, et surtout c'était si on part sur de la dance, c'était très commercial quoi. Et un truc très commercial, tu fais pas ce genre de truc. Donc ça fait très bizarre, mais ouais, on s'habitue, vous allez voir que petit à petit, à force de l'écouter, vous allez vous habituer, comme quand on a fait le quand on a fait le truc de James Bond où il y avait une note qui était techniquement fausse parce que le truc de James Bond est un peu, comment dire, spécifique au jazz, et, mais à force de l'écouter, et pourquoi ça me fait ça moi, à force de l'écouter finalement ça donnait quelque chose de ça marchait quoi. Donc ça c'est le piano par contre hein. Alors on va mettre piano et on va lui faire une petite, un truc un peu plus cool. Qui va être un peu chelou hein, parce que forcément. Déjà on va lui mettre une octave dans la gueule. Voilà. On va le mettre plus haut, hop, à peu près ici je pense. C'est chaud parce qu'on va faire des... Je pense ça marche comme ça. Faudrait un petit piano qui fait des trucs courts, ben voilà. Il va très bien. Hop. Si je fais ça, est-ce que... Oui, il est toujours vivant. Un truc comme ça, je pense. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que vous en dites? Vous, les gens dans le chat. On a dit que c'était un la jazz ici. Déjà, avec une rythmique comme ça, ça paraît moins bizarre. Déjà, je trouve. Hop. Et ça, c'était donc on a dit sol. Ici. Je sens qu'il y a un petit intro, mais ça passe déjà. Hop, celui-là, on peut le mettre à l'octave aussi pour changer un peu la troisième troisième accord qui sonne un peu le quatrième accord pardon qui sonne un peu différemment. Alors c'est le même sol que l'autre, mais lui on va lui mettre une petite EQ, ça on va regarder que les aigus. Voilà, ça a bien sonné bien. Hop, là je monte, mais si jamais vous êtes sur Ableton aussi, évitez de toujours tout faire monter, les volumes je parle. Vaut mieux faire descendre le reste. Alors ce que je fais de temps en temps, quand, comme par habitude tout le monde fait ça, on fait monter ce qui nous manque et pas descendre ce qui est trop fort. De temps en temps je prends tout et je descends tout et je fais tout sélectionner, et sur un seul des trucs ici par exemple, hop, j'ai mis moins 9 alors qu'avant il devait être à 0 je pense, et comme j'ai un compresseur de fou furieux derrière pour que ça soit bien tranquille pour vous, ça change pas trop pour vous. Ok, Billy, je vais le garder de côté au cas où. Je vais le mettre là. Il nous faudrait une petite basse, quoi. Une petite basse, à quoi ça ressemble une basse des années 90? Dun, dun, dun, dun. Alors, je vais reprendre mon piano ici. Je vais reprendre mon piano. Comme ça, on aura déjà la rythmique qui est toute bien faite. Hop, je garde que la basse. Voilà, hop. Une basse à la Sexy Boy de R, peut-être. Sexy Boy. Moi, j'ai ça quand si tu me dis R, j'ai ça dans la tête. Alors, ça ressemble à quoi? C'est quel genre de basse? On va aller chercher Massive. On va voir dans les. Et en même temps, je me dis. Années 90, salut Seb, bienvenue. Je me dis que si je vais chercher les plugins massifs et tout ça, c'est des super synthés ça. Et j'ai peur que ça dénote un peu trop avec le truc années 90, où l'idée c'est que dans les années 90, ils commençaient à peine avec l'électro, que enfin, il y a déjà des synthés des années 80, mais que c'était pas encore foufou quoi. Et du coup, peut-être. C'est un truc en plus. Que je me dis que dans les sons d'Ableton, il y a des trucs un peu plus cheap. Et qu'on va peut-être trouver. On va peut-être trouver quelque chose qui fait plus 5,90. Genre celle-là déjà. Bon, faut que je la descende dedans. On va lui mettre 2 octaves en moins. Donc moins 24. Voilà, est-ce que je peux descendre encore un peu, moins 36. Peut-être que je peux descendre encore. On va voir ce que ça donne si je lui mets encore un octave en moins. Putain, ça descend bas, dis donc ça. Ouais. Non, on va faire moins 12 là. Hop. Non, c'est trop bas. C'est trop bas, pardon, hop. On va remonter. Je suis bien à Do, hein, on est d'accord. Ré, D, pardon. Le son de la guitare basse n'a pas beaucoup évolué dans les années 90, par contre, ouais, une basse de synthé 90, ça peut être cool. Ouais, c'est ça que je cherchais. Je me disais que dans les sons massifs, ça allait être trop bien, trop moderne justement, et que dans les sons d'Ableton, ça va être mieux. Est-ce que ça passe ça? Parce qu'il est trop. Sur ce test, j'ai envie d'essayer celui-là. C'était celui-là, hein, genre. Qu'est-ce qu'on avait après? Qu'est-ce qu'on avait après? Il nous faudrait une petite mélodie dans les aigus, je me dis. Hop, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les pads? Ça, c'est peut-être pas mal ça. We'll be right back. T'as oublié un T dans ton contexte. Les années 90 sont de retour. Oui, effectivement. Effectivement. Oula, pardon. Hop, sans T de retour. Oui, parce que sur Ableton, si jamais vous n'avez pas de clavier, vous pouvez utiliser le clavier de l'ordinateur. Ça, c'est cool, ça. Pour faire quelques petites bêtises. Pas complètement convaincu. Pas convaincu. On va essayer autre chose. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Ça, c'est pas mal, peut-être. Je sais pas trop, je vous cache pas. Ça me fait penser au générique de série 80 comme Supercopter et MacGyver. Merde. Toujours fier, Seb va avoir un docteur, c'est pas normal, ça dure depuis 2 semaines. Je sais pas, il manque un truc, mais je sais pas quoi exactement, peut-être un arpège, peut-être, je ne sais pas. 3 semaines, on va avoir un médecin, c'est pas normal ça. Pareil, la batterie, il faudrait que j'augmente grosse caisse claire, je pense. Et le synthé, je vais augmenter, je vais mettre une octave plus haut aussi. Et après, par contre, j'ai plus d'idée. On va voir ce que ça donne déjà comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter plein d'octaves dans tous les sens. Pas s'emmerder non plus, hein. Hop, des. J'ai une mélodie, mais comment partager par qui? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. T'as qu'à noter do, la, sol. J'en sais rien. Je sais pas lire les partitions en plus. Après, c'est qu'il me faut un son aussi, quoi. Il me faut un son un peu particulier, quoi, les 90. Et ça, c'est dégueulasse. Donc, il me faut quelque chose d'autre. Simpler, je ne sais pas. Synthlead. Peut-être ça, un truc qui fasse très 90, quoi, mais je sais pas. Pour le coup, ça fait un 80, je trouve. Je sais pas. Je tape 90, peut-être qu'il y aura un truc. Hein. Je sais pas. Non, il y a rien du tout. Impulse. Non. Electric. Je sais pas quoi mettre comme son. Ouais, c'est pas très intéressant jusque là. Ah, attends, note longue et juste avant le changement d'accord, trois courtes. Plus une langue qui elle démasse, renouvelle l'accord et rebelote trois accords plus une langue. Genre quelque chose comme je te l'ai fait au pif. Hein. Voilà. C'est quoi avec cette rythmique, je galère à fond. Attends, on va essayer. Ta ta ta ta 1 2 3 4 donc le 4 sur le l'autre encore. Ok, on va essayer ça. Alors, on va déjà construire juste ce que tu m'as dit là et tu me dis les notes du coup. Donc j'imagine quelques trois notes ou pas. Hop, je vais faire au pif. Ça marchait bien sur là. Ça au pif. Et le ta-ta-ta, tu alternes sur... Attends, dans quoi? Tu alternes sur seulement deux notes. Attends, est-ce que déjà la rythmique là, comme tu disais, c'est ça? Si c'est ça, tu me dis les notes une par une, puis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta aigu et ta-ta-ta grave, aigu... Oh là, je comprends rien. Aigu grave sur une aiguë du moins. Attends, ta aigu donc. Tu sais que sinon tu prends ta basse et tu me dis les notes, hein, ça va être vachement plus simple que de faire juste aigu grave sur un spectre qui quand même peut comporter quand même beaucoup de notes quoi. Mais toi tu pourrais faire un truc comme ça, je pense. Ça fait plus années 80, je trouve. Ouais, il y a un coup de très années 80, effectivement. Je suis assez d'accord avec Gwen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors que nous, c'est les années 90 qu'on veut, hein. Pas les années 80. Pour le coup, c'est vrai que là, ça fait très très années 80, ouais. Pour faire 90, pour faire Gala. Gala, Cascada, Cascada c'est un peu plus tard, mais Gala, qu'est-ce qu'il y avait dans les années 80? Alors, désolé, Psap, c'est pas mal, mais pour les années 80, là on est dans les années 90. Bon, Gala, Fruit from Desire. Qu'est-ce qu'il y avait comme. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette chanson? Fruit from Desire. Alors, déjà, des paroles qui se répètent. On va juste choper deux phrases à la con et puis on va répéter ça. Oui, on est parti sur la danse, hein, ça va. Danse à 90. Mon aigu le synthé, peut-être déjà, ouais. Et alors, il est très bien pour faire des accords en fait, celui-là. Donc je vais. En vrai, est-ce qu'on va le. On va faire des nappes d'accords. On va foutre plein partout, ça va être bien. Et il prend beaucoup d'espace, je pense. On va virer ça. Ouais, peut-être pas finalement. Peut-être pas. T'as le clavier d'Angela qui fait ta-ta-ta-ta, non, on est d'accord. On dirait un putain d'hélico. J'ai changé un truc là, pourquoi ça fait... Ah oui, non, mais je me suis planté, je vais changer le son à lui, alors que c'était pas lui qu'il fallait que je change le son. Lui, c'était... Merde, je crois que c'était ça. Non, c'était pas ça. C'était ça, je crois. Voilà. Je connais pas du tout la dance 90 à ton morceau. Qu'est-ce que tu ferais différent, du coup? C'est plutôt un mix entre rythmique et synthwave. Oui, d'accord, mais du coup, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi 90 du coup? C'est quoi les. Fait from detail. Je sais pas. Elle est comment la batterie? Enfin, je l'ai pas en tête là. Bah, t'as Gala! Tout le monde a Gala! Fait from desire, c'est 90, hein? T'as pas à me faire croire, Seb, que tu t'enjaillais pas dans les dance floors à 90, quoi. S'il te plaît, pas à moi. Je sais pas, j'avoue que là, je bloque un peu. Je bloque un peu, qu'est-ce que... Que je me prends trop la tête avec ça, qu'il y a trop de. On va virer ça. On va mettre. On va mettre le kick partout. Il y a Gala, certes, mais il y avait pas que ça. Alors, peut-être, mais il y a quand même Gala. Il y a surtout Gala qui est resté, en vrai. À part Gala... Moi, le piano, je trouve qu'il fait très en 90, ça, pour le coup. Hein. Le piano qui fait... Ten, ten, ten. Je tente un truc aussi, je sais pas trop. On va voir. Je sais pas, qu'est-ce qui... Parce qu'en vrai, on enlève tout ça, là. On garde juste le piano, déjà. Déjà, le piano, moi, je trouve qu'il fait très en 90, hein. Il faudrait que le piano soit plus agressif et moins rapide. Plus agressif, comment tu veux le faire plus agressif? On peut en faire un sur deux, on peut essayer, mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. La batterie, elle fait très synthwave, quoi. La batterie, elle fait très très synthwave. Je l'ai ici. Un peu, voilà, en haut. Peut-être qu'il faut... je sais pas. Je vais enlever. Zagotris, tu as deux Unlimited. No Limit, qui est un classique absolu aussi. Je l'ai pas du tout, là. Moi, je trouve que ce piano il marche très très bien. C'est très très gala, justement. C'est le reste. Alors, la batterie, déjà, juste sans les. Sans la caisse claire, c'est mieux déjà. Peut-être qu'il faut que je passe plus rapide. Si je le fais 5,90 par exemple, est-ce que ça marche mieux? Un peu rapide, mais la rythmique c'est très bateau, kick 1-3 et snare 2-4 avec une reverb snare typique 90. Ouais, c'est bien ça le problème, c'est que je sais pas trop comment le snare plutôt ça. Ou plutôt ça. Tenter un truc là, si je le mets courte et sèche. Ouais d'accord, mais déjà rythmique ça me... ici, elle est ici. Est-ce que je peux lui rajouter, il y a quoi ici, le compresseur, on va voir. Sors de là toi. Il y a aussi des sons de synthé qu'on a fait de pompage. Ok. Alors attends, la snare déjà, on va essayer de la régler. Alors tu m'as dit, reverb, et ici. Hop, on va la mettre ici au pif. Il faut que cette caisse claire elle soit un peu plus balèze. Pourquoi les teintes là c'est pas éteint ça? Et il veut pas me le... Il veut pas me le prendre en compte, c'est dingue ça. Il peut pas me le prendre en compte, ça m'est jamais arrivé ça. Je bouge les paramètres de l'égalisation et il veut pas me le. Bon bah écoute, c'est ce que je te dis moi. Je vais te virer, voilà, je vais mettre un autre. On est quoi, égalisation. Hop, avant le reverb, on va mettre. Comme ça, plus. Ok, lui on va lui mettre. Hop. On va mettre. Kick, on va faire un. Comme on a dit la dernière fois. Un sidechain, une compression en sidechain sur le synthé ici. C'est-à-dire qu'on va arriver à quelque chose qui va faire. Sidechain depuis kick, voilà. Voilà, à peu près comme ça. Oui. Je pense que c'était quand même plus balèze aussi les synthés à l'époque. Hop, donc on va. Hop, D1, ici. Bon, si je reviens à 130, ça passe quoi? Ça paraît mieux à 130, moi, BPM. Ça fait, moi ce, le problème de cette caisse claire c'est qu'elle fait très, tout de suite elle fait très synthwave je trouve. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne, j'y arrive pas. Thank you. c'est une wave, t'es arrivé dans les 80-90. Or, c'est arrivé dans les années 2010, si on est un peu truc, mais c'est des sons des années 80, pas 90. Ça me paraît mieux comme ça déjà, sans la caisse claire. Mais je suis pas encore méga convaincu quoi. Je suis pas encore du tout méga convaincu. Parce que toutes les idées que j'ai en fait me ramènent à la synth wave. Outre l'arpège, un peu de. Je vais y arriver. Ça fait très, très synth wave aussi quoi. Et c'est pas ça qu'on veut quoi. Là, je trouve qu'on part sur quelque chose de pas mal. Un truc peut-être un son plus... une mélodie très rythmique. Quelque chose qui pourrait ressembler à... Pas ça du coup. Pas ça non plus. Pad. C'est pas mal ça. Le son de ton kick fait très synthwave. Ouais, mais pour le coup, je trouve que ça marche quand même. Pour les 90. La batterie, c'est un 707. Des répliques de synthétiseurs des années 80-90. Synthétiseur de boîte à rythme, pardon. Le fameux 707. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Pourquoi il met des accords quoi? J'ai te suggéré d'aller voir Science et Cinéma, c'est un 707. Non, pas convaincu du tout. Attention. Vas-y, hein. Ouais, c'est pas mal ça. Bah, tu sais quoi, je vais faire ça. Je crois que je l'avais fait. Alors, hop. Non, c'est pas tout ça que je voulais faire. Non. c'est compliqué aujourd'hui. Alors. Hop. Voilà. Comment j'ai fait? Je crois que je l'ai fait deux fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Hop. Voilà. Ça, je ne voulais faire non plus. Allez, copains. Voilà. Merci. Après, j'ai fait. Non. A, C, E, D. A, C, E, D. C'est peut-être que les sons sont trop propres pour les produits d'aujourd'hui par rapport à l'époque. Bah c'est ce que je me disais, c'est pour ça que j'ai pris, je prends que des sons d'Ableton, pour pas que ce soit trop trop parfait. Je sais pas, moi il y avait un truc un peu électronique là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas trop. Ça sonne toujours Synthwave, ouais, pour moi ça sonne plus pour le coup les 90 que Synthwave. Alors évidemment il y a toujours un peu truc, ce truc Synthwave, mais je trouve qu'on s'approche quand même. Plus, toi, dance floor quoi. Je vois plus des Suédois se déhancher là-dessus que des gros barbus au Monticultor. C'est compliqué, je vous cache pas que là je bute un peu, alors que dans ma tête c'était quand même assez clair, 5,90, c'est que c'est quand même un son assez spécifique pour moi. Mais c'est vrai qu'on part vite sur la synthwave quoi. Pour moi ça marche, c'est bon. Je suis retombé sur le Céline Dion, Zegotrendis, écrit par Jacques Goldman. Oui, bah c'est. Oui. Pour le coup, c'est pas très dense, quoi. Je suis en train d'écouter Cascada, je vois ce qui fait 90 et j'arrive pas à le définir. Ouais, voilà, c'est. J'ai perdu tous les mots, ouais. J'ai une part de techno hollandaise plus brutale. Ouais, mais comment on fait ça? Je suis d'accord, hein. En vrai, Die Antwoord, c'est la dance. Hein. Die Antwoord, le groupe sud-africain, c'est complètement de la dance. Hein. Et dans les années 2000, en vrai, Cascada et même Madonna et tout qui a repris les trucs dans les années 2000, c'est complètement de la dance aussi. De l'eurodance même. Sauf que dans Die Antwoord, ouais, très bien, mais grosse percu, ouais. Kick plus gros et rang. Plus gros, c'est-à-dire quoi? Aïe, oula. Hop, hop, hop. Pourquoi j'ai pas de... Ça sert à rien, cet EQ, c'est dingue. Ah non, mais c'est sur le... Parce que je suis pas sur le bon truc, je pense. Faudrait quoi? Plus de bas? Plus de grave? Celle-là. Le jeu, je peux pas trop le modifier non plus. Bon, voilà, c'est rien. Ça, je comprends pas ça. J'ai une EQ là et je ne peux pas le modifier. C'est chelou. Donc je vais rajouter moi-même une EQ. Hein, qu'est-ce que je dis? Plus grave de bas, faut imaginer une rave party, mais sans l'ecstasy, ça je te l'interdis. Plus fort. Ah, je suis au max là. J'ai toute la place hein, le kick. Hein. Peut-être en faisant un truc, une rythmique un peu plus chaloupée. Hein. Un truc comme ça, hein. Je sais pas. X2 sur la rythmique. X2, c'est-à-dire. Genre sur la grosse caisse. Genre un truc comme ça. Tumpa, tumpa, tumpa, tumpa. Comme ça. Ça va être... Là pour le coup, ça fait très techno-hollandaise, ouais. C'est moins en 90. Ouais, voilà, alors, à part ce coupement sur la techno, il y a un synthé plutôt grave avec au taquet de délai ou de reverb. D'accord, attends, je vais remettre ça comme c'était. Peut-être qu'il faut que j'attre les graves, hein, ici. Hop, si je vire ça, si je vire ça, si je vire ça, on va même virer ça, ça et ça. C'est le synthé de fond qui adoucit. J'ai l'impression que ça sort de l'idée Eurodance 90. Mais justement, c'est, on essaye de pas trop saigner. C'est le synthé de fond qui adoucit, qui fait différence entre la techno hollandaise. Les kicks, il faut qu'ils sont de boom, et là, ils sont tout le monde, qu'ils frappent à la porte en vrai. Ah ouais, mais je peux pas faire des miracles non plus, hein. Je sais pas sur quoi t'écoutes, mais. Après, peut-être qu'il faut que je mette de la reverb juste. Hein. Presque on sent deux mains qui tapent sur la table. Après, c'est le son de truc qui est comme ça à la base. Hein. Après, j'en ai un autre kick. J'ai un autre kick. Je peux le doubler, je peux le mettre sur les deux. J'entends Gwen qui t'aime, qui chante Every Time We Touch. Peut-être pas la poitrine, la bonne poitrine, tu veux dire? Peut-être pas, hein, peut-être pas, peut-être pas. Alors, drum. Ça, tu veux, toi? Ça marche, c'est marrant, ils ont appelé la Crash Bandicoot. Tu l'avais plus haut, laquelle? Hein? 808? Je sais pas non plus, je sais pas non plus. Ça c'est dégueulasse. J'ai pas d'autres snares là. Putain, c'est passé plein vite, j'ai un tune qu'il faisait. J'en ai essayé plein, en fait il y en a plein quoi. Ah peut-être. Je suis matrixé, j'ai trop Ivan de DJ Samy en tête alors que c'est début 2000 et j'arrive pas à m'en sortir la tête pour être productif sur autre chose. Je l'ai pas non plus et du coup je vais essayer de pas l'avoir. Pas ça quand même. Haut de liste, bah je suis tout en haut de la liste là. Je peux pas être plus haut là. Ah, les joies de la composition. Bah du coup, je sais pas. Je sais pas ce que tu pensais. Je vois rien sur mon écran de tel. Oui, donc en fait, pareil, c'était pas du tout en haut de la liste, quoi. Non, pareil, c'était en bas de la liste, mais en haut dans le truc. Bah là, j'ai tout se passé, donc si tu as pas entendu, c'est qu'il était pas là. Non, j'ai bien celui-là. Alors t'arrives pas à avoir les trucs mais t'arrives à avoir la barre de défilement. Décidément. Je serais parti sur du Cher, c'est années 90. Bah oui, bah complètement. Mais do you believe, c'est ça hein. Do you believe in life after love? Voilà, du coup, pas lire le détail du nom de la boîte à rythme. En fait, le problème, c'est pas tant de 1590, c'est d'essayer de pas virer ni sur la techno hollandaise complètement débile, ni sur de la synthwave. De rester pile entre les deux. Un peu trop balèze, peut-être celle-là. Ben je sais pas. Sans exemple sous les yeux, sous les oreilles. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça, tout simplement. Hein. Elle est bien basse celle-là. Hein. Un truc qui sort un peu quoi. C'est le tabac. Ah bah c'est, si t'entendais pas la basse sur le truc, c'est que. C'était lequel, je sais plus, mais là il y a vraiment que de la basse quoi. Bon, et celui-là, comment il sent son snare? Allez, est-ce qu'il y a un snare? Cette basse là, elle est. Je vais virer un peu ça parce que. J'ai pas d'écriture sur ça. Hop, hop, hop. Pour le coup, elle est mal à celle-là, quoi. Et après il faut des claps ou quelque chose clap clap clap clap. Comme c'est que là je crois que je n'en ai pas vraiment. Allez ça. Bon ben je vais refaire une piste de. Ah quoi que sinon je les ai là. Là je devrais en avoir. Tant bien fort. Que les claps, je pense. Ouais, voilà, avec ça. C'est... On commence à avoir quelque chose, j'ai l'impression. C'est mieux, c'est bon, hein. Je trouve que le côté CD prend trop de place pour le Rodin 90, après je me trompe peut-être. Le problème c'est que la limite entre les deux est très très fine, quoi. Et je sais pas, qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui fait trop synthwave? Dis-moi. T'as un synthé qui sont dans la médium qui sont trop synthwave. Bah tout à l'heure il était trop aigu et là il est trop dans la médium, c'est ça. Non c'est quoi un synthé Il faudrait qu'il soit comment dans les aigus. Je peux le mettre dans les aigus si vous voulez mais Mais il va pas sonner moins synthwave si vous voulez mon avis. Là, là, ici. Ah, attends, c'était les mêmes synthés, hein. 80-90, les synthés, c'est plus ou moins la même chose, quoi. À moins que vous ayez une idée un peu plus précise de ce qu'il faudrait, mais. C'est le choix du son, ouais. Je suis pas convaincu. Je sais pas ce qu'il faudrait mettre, du coup, comme son. Metallica FM. Bah, c'est les sons de base beaucoup moins travaillés. Ça, c'est les sons de base. Hein. C'est pas ultra charcutant plus. Ok, lui il joue même pas. Non, mais après, c'est peut-être moi qui ai une idée biaisée du Rock 90. J'ai peut-être juste en référence que des sons qui sont pas trop synthés. Attends, la Dance 90, c'est que synthé. Tu peux pas être plus synthé que la Dance 90. Le gars-là, il n'y a pas un vrai instrument dedans. Ça, pour le coup, ça fait 80. T'as un truc comme ça, t'as un truc qui essaie d'imiter. Oh, c'est encore pire. Là, si tu sens, je pense qu'on est baisé d'avoir écouté la synthwave et maintenant tout ce qu'on entend va nous rappeler ce genre. Ouais, je pense. Voilà, c'est là je suis sur le synthé de base quoi. Tu peux pas faire plus. Y a aucun effet, c'est que des trucs, des triangles et tout de base. Ben, je sais pas trop, je sais pas trop. Non, les basses, c'est que du mono, j'ai l'impression. Bien tourné, peut-être. Ah, ça c'est pas mal ça. Je sais pas comment on fait de la dance années 90. Comment on fait de la dance? Pourtant, ça devrait être simple. Ça devrait être extrêmement simple. Mais ça ne veut pas. La piste verte, tu plies sur celle-là, ici, le synthé. Ouais, c'est celle qui dérange, ouais, elle a un son bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un... J'ai l'impression qu'il y a un octaveur qui était en plus 12, donc c'était juste l'octave. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait qu'il y a une note un peu fausse. Et je suis d'accord que c'est un peu chelou. On va essayer de trouver autre chose. Ça, simplement. Peut-être que l'effet de pompage qui fout la merde. Ouais, je suis pas sûr. Thicket auto dumb. Ça, c'est bête, effectivement. Ce son-là fait très Radiohead, ouais. Ouais, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ça fait très 80, pad. Je pense que c'est des mains de cette piste. Ce genre de son tenu, j'ai pas l'impression que ça fait 90, c'est plus des trucs courts qui tabassent dans ma tête. Ouais, peut-être. Je pense que la rythmique aussi, elle fait. On disait que c'était lent, mais je suis pas sûr. Because every time it has proven that feeling. I'm on, just don't know more and more. Freed from desire. Get up and I feel I'm on a freed from desire. Ça, ça va. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Maintenant, là, tout de suite. Il n'y a pas de pub après une heure, je sais pas, j'ai rien changé pour les pubs, j'ai rien changé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause. Pendant ce temps, je vais aller faire pipi et je vais aller écouter du gala. Et puis on se dit qu'on se retrouve après ça. Je vous laisse avec Iguska Yonda de Akatch. Salut Michel. T'arrives pile pour la pause. On essaye, peut-être que tu vas pouvoir nous aider. On essaye de faire... Il y a l'alternance aussi entre les parties avec juste le synthé puis la partie techno. On essaie de faire de la dance années 90 et compliqué. C'est compliqué parce qu'on retombe trop sur de la synthwave. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est sur ça. Salut. Le problème, c'est que voilà, c'est trop synthwave quoi. On essaye de trouver ce que c'est les spécificités de la dance européenne des années 90, et c'est un peu compliqué. Donc, on va faire une pause. Je vais faire une pause. Je vais l'écouter Fruit from Desire de Gala, et on se retrouve après le clip de Akatch. Donc, je vous dis à tout à l'heure, tout le monde, avec Akatch et Iguska Yonda. We'll be right back. Alors, ça va? Le Ronin s'est principalement critiqué par des riffs synthétisés, des chants masculins ou féminins, des passages de rap, du sampling et une forte caisse. Elle peut aussi parfois ne comporter que des chants masculins ou féminins. Très bien. Alors, j'écoutais un petit peu. Et effectivement, il y a des trucs très. Avec une grosse basse. Donc ici on va essayer de se faire un truc. On va se faire une petite mélodie. Alors on va se trouver une petite basse. Une petite basse. La vitesse de battement est entre 110 et 150. Oui, donc là on y est. Hop. On va se trouver une petite, un petit riff entre guillemets. Voilà, un truc comme ça. Je tente des trucs, hein. Sauf que lui, il faut que... Tan tan tan tan tan. Comme ça, c'est pas mal. Une basse qui tabasse les trois premières notes, j'ai cru que ça partait sur Mortal Kombat. Ah bah voilà, Mortal Kombat, Tipeee 90. Le Mortal Kombat, le, effectivement, le. Merde, j'ai plus le truc. Tipeee 90. C'est le bordel ça. C'est le bordel. Maintenant la rythmique est chelou, je rappelle, à la base. On part sur une rythmique chelou, donc forcément c'est chelou. Ça, le problème c'est qu'il faut une rythmique un peu carré, sauf que la rythmique elle est pas carrée, c'est du 5-4 parce que c'est dans les contraintes. Pas vu venir celle-là. Je l'avais pas vu venir. Et on va lui mettre des petits espèces de petits arpèges très dans les aigus, très. Est-ce que ça marche mieux déjà? J'ai l'impression que ça marche mieux, mais on va voir ce que ça donne. On va lui mettre des espèces de petits trucs. Alors j'avais un truc ambient ici. On va mettre ça. On va lui mettre un arpégiator. Ici ou ici arpégiator, parce que j'ai pas de truc. Bouncy chord par exemple au pif, hein. Non, c'est moche. Hum. J'ai mis juste un... Tit. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que je vais aller chercher plutôt du côté de Massive pour le coup. Parce que Massive, ils ont déjà des trucs un peu comme ça. Ils marchent déjà très bien tout seul, quoi. Donc en espérant que ça marche quand même avec le avec la rythmique chelou qu'on a. Parce que j'ai l'impression qu'on commence, il est dans Massive, il met 25 ans à s'ouvrir. Process peut-être là. Dégage. Arpégia Ted. Ça part dans tous les sens. Ça ressemble à quelque chose presque. Ça vous plaît? J'ai l'impression. La basse change tout. Oula, attends. Quelle aventure! Pas de la hi-hat avec le kick plus clap, non, je n'en ai pas mis, mais comment tu mettrais, c'est, en fait c'est ça qui sonnait très synthwave tout à l'heure. J'avais fait un truc tout simple, j'avais fait ça et mais je trouvais que ça faisait très synthwave, c'est pour ça que je l'avais viré. Juste un, tu crois? Ouais, Bon, on a quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Il reste 1h20. Dans l'idéal, il faut trouver ça, parce que ça ne semble pas non plus des masses méga balèzes. Il faut trouver ça comme couplet et il faut trouver un refrain, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Ou alors, j'écoutais Gala. Gala, tous les couplets, en fait, c'est que des trucs sur un seul accord. Et c'est le refrain qui fait tuper le truc. On va faire sortir les dents, ouais. C'est quoi ça? On va mettre Mélo. Voilà. Mélo 1. Arpège, basse. Voilà. Et la basse, du coup. Voilà. On va faire ça. On va mettre en boucle. Et puis c'est tout. On va voir ce que ça donne. Hop. Nina, je couplais ultra simple et refrain plus chargé. Je disais pendant la pause que c'était très inspiré de la pop classique d'un truc. Ah oui, non, mais t'as rien de plus pop que ça. J'imaginais un truc comme ça, parce qu'évidemment il faut une petite montée quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? J'imaginais quelque chose comme ça. Hop. Ça va chanter sur ça, ouais, faudrait. Je pense que le chant ça ferait un petit truc. Par contre, trouver une mélodie sur en 5/4 quoi. Sur le PC ce sera mieux que sur le tel, alors certainement, on va voir. Le couplet, je suis pas encore convaincu, alors on passe de ça. Là, pareil, je vais les mettre. Je vais mettre le synthé que sur le. On va faire découper sur une seule note, ça sera le plus simple, je pense. Sur un seul accord, je veux dire. Hop. Parce que là, il nous reste pas beaucoup de temps. Ça fait un peu house du coup ça fait un peu house, ça marche, hein, c'est 90, ça marche, bon on va voir. Et la rythmique en 5-4 c'est perturbant, hein. Ça quand même. Est-ce que je le mets là, ça, je sais pas trop. J'avoue que je trouve très très moche ce truc là, ça marche très très bien, mais c'est très très moche quand même. Je vais lui rajouter un temps quand même là. Je vais lui rajouter un temps. Si je fais ça, je crois que ça marche. Ouais, ça marche. Donc, hop. Ça, voilà. Ça. Là, hop, pardon. Clac. J'espère qu'il y en ait 4, qu'il y a une pause, effectivement, mais qui. Thank you. ça marche, je crois. J'écris, mais faudra rajouter au 5-4, écrit quoi? Du texte? Non, mais bataille pas avec le texte. Je pense qu'on va faire. Enfin, bataille pas. Je pense qu'on va faire deux phrases. Et puis, c'est parti. Je t'avoue que je suis pas motivé pour chanter du tout, mais du tout. On va faire deux phrases qu'on va répéter en boucle un peu techno, quoi. Mettre un petit ici un bruit blanc. Hop là. Alors bruit blanc, comment qu'on fait un bruit blanc? On va sur massive, hop, enfin, moi je le fais comme ça, mais pour avoir un beau vous mettez un bruit blanc. Donc là moi je désactive tout sauf noise, amp je le mets à fond. Là doit y avoir quelque part, hop, un filtre. Il doit y avoir un passe-bas là quelque part. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah voilà, c'était juste ça. Voilà, et là on va lui rajouter donc un passe-bas. Effet audio, alors sur Ableton il s'appelle autofilter, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un passe-bas. Voilà, noise on, frequency, et je le mets de très bas à tout en haut, et reverb à fond, et pas mal de délai aussi, et ça va donner quelque chose comme ça. D'accord, le texte est là. Je pense que je vais en faire un truc beaucoup plus simple que ça. Non, c'est, il va aller là, lui. Il va aller là, pardon. Hop. Pour que... Thank you. dance floor, je t'aime plus fort. Dans le dance floor, je t'aime plus fort. Dans le dance floor, je t'aime plus fort. Sur le dance floor. On a fini, il est gagné, ça m'a fini toute la nuit. Toute la nuit. Peut-être pour les couplets, je sais pas. C'est juste histoire qu'un peu de changement d'un couplet à l'autre. Je vais rajouter un petit arpégiateur, lui, tranquillou. Hop. Et que à cet endroit-là. Hop, on va lui mettre comme ça à peu près. Peut-être que je vais mettre ça. J'aimerais bien virer ce synthé là, histoire de changer du premier. Dancefloor, cherche pas ta tort. C'est un peu cliché ça. Et même pour nous, c'est trop cliché ça. Well, Un truc comme ça. Compliqué, c'est compliqué. Sur le dance floor, j'assure à mort. Pas obligé de parler de dance floor, c'est ça qui me gêne un peu. Trop premier degré, qu'on peut parler d'autre chose quoi, que ce qu'on est en train de faire. On est pas obligé de s'auto-référencer tout le temps. Déjà, faut que je le chope. J'écoute une fois et après on passe au bois. J'allais le faire plus aigu lui. Passe de ça. Peut-être même encore plus aigu. Je vais essayer encore plus aigu, une octave de plus, mais je pense que qu'on va s'arrêter là. Mais dans le doute, je préfère essayer. Ah, c'est mieux là. Faut un truc comme ça quoi. Dance, dance. Attends. 4, 5, dance, dance, don't carry dance, dance, dance, don't carry dance, dance, dance. Compliqué sur le... Dance, dance, don't carry dance, dance, dance, don't carry dance, dance, dance, na na na dance, dance, dance, na na na dance, dance, dance. Dance floor, c'est mort de mort, dance. Dance, dance. Alors, je lis ton texte du coup, Seb. Le redance, c'est toute ma vie. Je pars, il dansait dessus tous les samedis. Je pourrais passer toute la nuit. Dance, dance, toute la nuit. Non, dance, dance, toute la dance, dance. Twingo, jeune pipi et oh. Parle bien de la Twingo, s'il te plaît. Je dois avoir la boîte de nuit pour une nuit. Dance, dance, la nuit de dance. Toute la nuit, dance, dance, dance, dance. Dance, dance, dance, dance, dance, de la nuit, dance, dance. Mmh. c'est pas la mienne de Twingo, j'espère bien. Tu parles mieux de ma Twingo. Si jamais ça arrive un jour que tu parles de ma Twingo, t'as intérêt à mieux parler de ma Twingo. J'ai fait des références à des objets 90, oui, j'ai bien compris, oui. Dance, à la mort, dance. Ça, c'est chaud en 5, quoi. On n'a pas l'habitude. Hein. Dance, à la mort, dance, à la mort, dance. Tu sais, je fais un truc en 4, ça va boucler peut-être. J'essaie un truc. Au moment, ça reboucle. En fait, je fais. Au lieu de faire un 5-4, je fais un 4-5. Et ça a marché, mais est-ce que c'est pas triché? C'est ça la question. Est-ce que c'est pas triché? Les Zep font ça sur Cachemire, oui, je sais. Ils sont sur un riff sur 12, il y en a un qui fait 3, l'autre qui fait 4, je crois. Je crois que la guitare fait 3, la batterie 4, quelque chose comme ça, et ça boucle jusqu'à arriver à 12, ou forcément, ça marche 3 fois 4, 12. Alors tu peux, non, mais évidemment que je peux. je fais ce que je veux. Mais est-ce que c'est pas tricher avec la rythmique irrégulière? C'est ça la question. On va essayer. Dance, jusqu'à la mort. Dance, à la mort, dance. Riff guitare 5 et drum 4, t'es sûr, toi? Non, c'est 3. Riff guitare 3 et batterie 4. Parce que je me souviens qu'ils arrivaient à 12. Audio. Hop, on va se mettre la petite voix qui va bien. Ta-da-dan, ta-da-dan. Hey! Hop. Ça va donner ça. Hey! Très radio, hein, c'est très compressé. Dance, à la mort, dance, à la mort, dance. On va faire un truc comme ça. Et je vais en prendre un, je vais le boucler. Je vais remettre ma voix normale, voilà, sinon ça va vite être très très relou. Me dire, est-ce que vraiment il faut une voix? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Parce que c'est quand même un peu vilain et je crois que je préfère ça. Moi, je trouve juste un truc à faire pendant le couplet, quoi. La voile va dégager, en vrai. Parce que ça marche déjà quoi, pas mal comme ça quoi. Vas-y un truc. Que j'ai vu récemment. Ça, et non, je peux le. Renverser les notes, horizontal les notes, non. C'est pas ça, donc c'est bien ça. En effet, 3-4 et 4-4, ouais, ça sent bien. Et donc là... Ça va être à fond ça. Reverb délai, on va finir sur le piano avec reverb délai à fond. Ouais, un truc comme ça pour finir quoi. Je pense que la voix, on va pas le faire parce que c'est un peu dégueulasse. Et que généralement c'est des, enfin moi dans ma tête c'est des chanteuses avec des voix de fou, et que je n'ai pas une voix de fou et je ne suis pas une chanteuse qui plus est. Soit un refrain, c'est des hommes en rap. Ah ouais, mais là j'ai pas envie de faire de rap là. Je risque de tout gâcher là en rap. Le 5-4, il est dur, hein. Il est dur à assimiler. C'est le 3 plus 2, 4. Ouais, peut-être mieux, effectivement. Juste mettre le 1. In. Je zoome encore et hop, ici là. Ten, ten, ten, ten. On va mettre 3 même. Hop. Voilà. Quelque chose comme ça. Compliqué aujourd'hui. C'est compliqué aujourd'hui. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas là d'habitude, sachez que d'habitude c'est quand même mieux ce qu'on fait. Là on a galéré là, hein. Enfoiré. Quand on pense qu'on a les bases, en fait non. J'allais mettre un truc. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, ça va. Non, ça, ça dégage. Je voulais mettre ouais, une un truc un peu grave, un peu cool. Cet endroit là ça arrive, c'est ce qu'on va y mettre avec la basse. Ça c'est ça, mais on va les faire monter plutôt que descendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça à dièse. Il est où? Hop, la dièse. Ici, voilà. On va lui faire monter les accords plutôt que descendre les accords G. Hop, ici. Hop, voilà, j'aimerais un son un peu plus, plus baise. Voilà, c'est pas mal ça. Ça, on va essayer avec ça. Je commence à assimiler le 5, je crois. Un petit arpège de piano. Vous savez que qu'au bout de deux tours, j'aime bien changer. J'aime bien avoir un truc en plus quand on fait deux tours d'accord. Hop. Surtout que quand il y en a quatre comme ça, j'aime bien qu'au bout de deux tours d'accord, il y ait quelque chose qui vient de changer. Alors, comment je suis là? Ce qu'on va faire, c'est que je trouve qu'il y a déjà trop d'arpèges. Bah écoute, on va rajouter un dernier et on va voir ce que ça a donné. Hein. De toute façon, c'est pas comme si. Hop. Hop. Hop. Parce que là, du coup, autant il y a plein d'arpèges partout, genre ça. Donc je suis là, arpège à ce moment-là, je crois. Hein. Il n'y a que l'arpège à ce moment-là. Là, j'ai arpégé ici. Mais en fait, en même temps, il n'y a jamais qu'un seul arpège. Et là, non, l'intérêt, c'est que là, le piano, on va beaucoup mieux entendre que les autres arpèges. Les autres arpèges, c'est très, très voluptueux, très... Que là, j'aimerais un truc un peu plus balèze. Hop. Normalement, je suis censé pouvoir utiliser grande pour terminer en deux fois. Non, c'est pas ça. Je suis censé pouvoir foutre des. Non, c'est pas ça. Mettre des octaves en plus. Mais directement ici. C'est ce qu'on demande pour terminer l'intervalle de transport. Non, c'est pas être ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller chercher ça. On va le mettre à 20. On va le mettre plus 12. Ça marche pas. Je trouve bon. Et ben alors, pourquoi il veut pas? Trop de notes qui rebondissent. Écoute, on va écouter. Je vois ce que tu veux dire. Là, j'aimerais bien avoir un truc lent. Et pourquoi il veut pas, là ? Ouais, d'accord. C'est bizarre qu'ils le prennent pas en compte, ce truc-là. Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Il y a un truc qui va pas. Parce que vraiment, si je mets le corps d'avant, ça veut dire que dans l'arpégiateur, il y a plus de notes. Il y a toutes ces notes en plus. Et que si je fais ça, par contre, effectivement, c'est la même note qui est jouée à l'octave. Là, il devrait pouvoir me faire... C'est hyper bizarre. Peut-être qu'il faut que je le remette arpégiateur après, je ne sais pas. Hop, viens ici s'il te plaît. Voilà. Ouais, alors calme-toi. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Il m'emmerde. Parce que... Bah, parce qu'il y a ça. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que je t'ai pas sur le bon truc. Si je fais ça, que je fais ça, histoire que les notes restent. C'est ce que je veux dire ou pas ? Hop. Histoire qu'il y ait un petit changement, quoi. Bon, juste j'ai envie de jusqu'à la. Voilà, j'avais envie. Comment on l'appelle cette chanson? Juste histoire d'ajouter une petite couche, hein. Après, évidemment, si on voulait faire un truc vraiment très propre et tout, rajouter des couches, c'est pas forcément une très bonne idée. Mais bon, vu qu'on est parti aujourd'hui, on peut se permettre de faire un truc comme ça, quoi. C'est de la rustine, hein, c'est un peu de la rustine. La galère. Ça, je vais le changer. On dirait un mix entre la dance, la synthwave et la techno berlinoise. Ouais, un peu, ouais. Écoute, ça, ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas maintenant qu'on va changer. De la tortue, je ne connais pas. Et ça, Christophe William, enfin, j'ai oublié celui-là. Ben voilà. Je me demandais si on n'a pas appelé le morceau plutôt que la galère, mais galère, genre un truc G-A-L, plus loin H-A-I-R. Si je te l'écris, est-ce que oui. Pour que ça fasse un peu plus années 90 quoi, même sans l'espace pareil. G-A-L H-A-I-R avec une majuscule à O-H. On dirait Lance and Coffee, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, comme ça, c'est pas mal. G-A-L apostrophe A-I-R. C'est pas mal comme ça, ouais, Seb. Allez, on part sur ça. Avec le E, je suis moins sûr. Je suis moins sûr pour le E. Parce que avec le E, ça fait E, R, c'est le périmètre, quoi. L'air du carré. Tu montes le Blue Monster. Allez, on fait ça. C'était pas ça qu'il fallait. C'était plutôt ça qu'il me fallait. Donc regardez ça. Voilà, on va virer tout ça. Bon, hop, comme ça, voilà. Un peu au pif. On essaye, voir juste. Je pense que ça. Bah ça marche. Supprimer là, on va garder que ça parce qu'on est des fous furieux. Hop, juste le clac clac clac clac clac à la fin. Donc on va tout supprimer le reste. Donc ça donnerait ça à partir du milieu du couplet, entre guillemets. Là ça donnerait juste ça. J'en ai plus la deuxième fois parce que j'aime bien qu'il y en a plus et que j'aime bien quand c'est à la fin qu'il y en a plus. J'aimerais lui mettre un peu plus de basse à lui. Hop. C2, comment ça C2? Un D2, oui. Wolpeta, oui. En plus. On va faire ça, allez, on va bien voir. Bon, je l'écoute une fois et puis on va voir s'il y a des trucs à rajouter, à enlever tout ça. Il nous reste un peu moins de 15 minutes. Technomix, ça manque de sidechain. Salut, il y a un petit sidechain ici. Effectivement. D'ailleurs, là aussi, je crois qu'il y est. Il est pas très balèze là. Pourquoi tu as banni Seb? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. J'ai pas vu pourquoi tu as banni Technomix Seb. Levez les bannissements. Ah, le boulet. Ah ben super. J'ai créé un bot, pourquoi? Merci pour le ban. Qu'est-ce que t'as pris, Seb? Oh, le flic, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu... Seb qui fait du zèle. Mais désolé Technomix, la bavure, ah ouais complètement la grosse bavure. Désolé Technomix, ça m'a voulu trop faire respecter. Alors la fille plus le nom jeune, j'ai bugué. En plus comme si les bots se mettaient en jeune pour bien dire hey on est un bot. Non mais du coup désolé Technomix. Du coup j'ai rajouté cette chaîne, j'ai mis un peu plus balèze. J'ai mis là. Sache que c'est la première fois qu'on fait ça. Si tu nous rejoins, que c'est la première fois que tu nous vois, à chaque fois que tous les lundis, tous les mercredis, 10h, on fait un style différent, un morceau dans un style différent. Là, on est parti sur la dance 90 et on a galéré pendant 1h30 pour trouver vraiment le truc. Ça sonnait très synthwave et on a fini par trouver peut-être le truc. C'était ce riff là, ça. Qui fait plus années 90 en référence gala, cascada, tout ça. Et du coup, on est parti sur ça. Alors, on s'éloigne un peu des années 90 pour partir sur un peu de la techno berlinoise. Mais écoute, toi, on n'a plus le temps, il nous reste 12 minutes. On n'a plus le temps de changer, donc on est parti sur ça. Alors, on écoute une fois tout. S'il y a un truc à changer, ben, il nous reste 12 minutes, il va nous en rester un peu moins. T'as 3:40 quand même le morceau. Il va nous en rester un peu moins une fois qu'on aura tout écouté. Mais voilà, on est sur les derniers réglages là. Ça fait moins Eurodance, mais ça reste 90 quoi, je trouve. C'est pas grave, ça va. J'ai goûté ce lance, attendez, je vous disais que c'était plus sympa en rebondissant un peu plus. Ouais, et j'ai rajouté du coup cette chaîne, j'ai même plus le temps. Thank you. Et c'est du 5-4, c'est une des contraintes sur lesquelles on est tombé au début de stream. Je peux garder celui-là. On va le mettre qu'à la fin. On arrive à la fin de toute façon. Salut Seb, bonne journée. À la prochaine. Ça aussi c'est rigolo. Il te manquerait une petite voix sympa avec du genre IAIA. Ouais, j'ai essayé de la faire moi-même tout à l'heure, mais c'était dégueulasse. Et j'étais pas super motivé pour chanter aujourd'hui, j'avoue. Pour moi aussi c'est férié, hein, normalement. Donc je l'ai viré parce qu'elle était dégueulasse et était là. Donc c'était un pot dégueulasse. En fait, dans l'idéal, il faudrait une chanteuse qui chante super bien pour faire des putains de vocalises. T'as eu pas de ferry pour les artistes. Ouais, ouais, je sais. Bon. J'ai la flemme. S'il vous plaît, arrêtez de m'embêter. Dans l'idéal, il faudrait une super chanteuse qui tabasse et faire des... Mais je ne suis pas une super chanteuse. On va chercher la G. Elle est pas là, c'est parti. Avec de la saturation, si tu vois là. Avec de la saturation, peut-être. Je vais où mon truc que j'aime bien. Il faudrait que je me le prépare une fois. Parce que à chaque fois, je l'utilise. Ce truc que j'aime beaucoup. Driver stéréo. Hop. Allez, viens ici, s'il te plaît. On va le mettre là même. Pas tout calé. C'est pas fou quoi, c'est pas fou si je mets si je fais ça. Comment ça c'est trop? Comment oses-tu dire que c'est trop? C'est pas foufou quoi, hein. C'est pas foufou. One grave, ça va être compliqué de mettre one grave comme ça. Hein. Moi je suis pas fan. Moi je suis pas fan du tout. Je préfère ça. D'ailleurs après je suis d'accord que dans l'idéal si j'avais accès à quelqu'un qui chante bien et tout ça, ça serait bien. L'autre gros problème c'est qu'on est parti sur une rythmique irrégulière, c'est une des contraintes sur laquelle qu'on tire à chaque début de stream, à chaque début de morceau. Et une des contraintes les plus chiantes entre guillemets là, c'est qu'on est sur une rythmique irrégulière, donc on est parti sur du 5-4. Il est où ici? Est-ce qu'on va l'entendre là? Je suis pas sûr. Ça fait c'est pas très juste. Ouais non mais y'a rien qui va toi. Si je fais ça, peut-être ça va même marcher, mais je crois pas. De toute façon, la justesse, là, on s'en fout un peu en vrai. Hein. Sur ce truc-là, c'est quasiment du cri si je me fais un peu. Vu que c'est que du cri, c'est un peu atonal, quoi. Donc, voilà. De toute façon, on n'a pas le temps. Allez, 3 minutes, tant pis. Tant pis, pas de voix. Je vous cache pas que moi, ça m'arrange parce que là, j'ai vraiment pas envie. Et tant pis, de toute façon le morceau on a galéré dès le début, on a méga galéré dès le début à avoir un truc bien. Donc c'est pas le meilleur morceau qu'on a fait ici. C'est con parce que c'est le 25ème, non c'est le 26ème. C'est pas très grave. La prochaine fois on fera mieux. On fera sûrement un truc très différent, cela dit. Puisque à chaque fois, voilà, toutes les contraintes que tu vois là, les accords, la technique et le contexte sont tirés au sort. Dans un panel assez large, donc on peut faire du métal, du reggae, de la bossa nova, de la symphonie, de la folk. On a déjà fait la synthwave, on a fait plein de trucs. Tricheur, je triche complètement. J'en ai rien à péter. Comme je le dis souvent, dans l'art, il n'y a pas de triche. On fait ce qu'on veut, c'est pas une compète. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je commence à fatiguer, qu'il reste que 2 minutes 30, de toute façon. Et donc voilà, pour aujourd'hui, ça va aller. Ça sera pas mal du tout. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais mettre ma gueule en grand. Histoire 2. Et voilà. On va s'arrêter là. Merci Technomix. N'hésite pas à revenir. Hein, tous les lundis, tous les mercredis à 10h. On tire au sort les contraintes en début de stream. Et ensuite, on a 3h. On a 3 heures pour composer un morceau avec vos idées à vous aussi, donc faut pas hésiter à donner des idées. Et voilà, c'est tout. Je vous quitte en vous laissant une dernière fois sur le morceau et je vous dis à mercredi tout le monde et merci beaucoup d'être passé, d'être resté. Surtout, n'hésitez pas à suivre la chaîne ou vous abonner si jamais vous êtes généreux. Enfin, si jamais vous avez envie, hein, surtout vos rues n'est pas pour moi. Vous inquiétez pas. Et je vous dis à mercredi matin. Merci beaucoup Technomix d'avoir suivi. Et voilà, donc tous lundis, tous les mercredis à 10h, rediffusion sur Spotify, sur YouTube et sur Radio No Culture. Et voilà, moi je vous dis à mercredi prochain. Salut, et je vous laisse avec le morceau. Salut tout le monde. Ah, j'ai tout effacé.